pénalisation des clients. Donc il y a une mobilisation précisément sur cette question qui permet d'aborder évidemment tout le reste du débat sur la question de la prostitution et de comment c'est pensé dans la société, vécu, la question de la morale, et etc. etc. Et donc c'est pas toujours évident du côté des gens de gauche, des militants, pas forcément, c'est pas une thématique qui est toujours abordée sauf par les personnes concernées. On est tenté de dire qu'évidemment c'est toujours les personnes concernées qui sont les premières à devoir lutter, les meilleures placées pour lutter. Par contre, il faut pouvoir être solidaire, accompagner, débattre aussi, partager et comprendre ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on propose. Donc aujourd'hui, on est d'autant plus content de pouvoir essayer de faire un pont entre la Brigada Callejera à Mexico, qui est donc un groupe de travailleurs et travailleuses sexuelles qui s'est organisé et qui a tout un travail de terrain, une maison de santé ouverte sur le centre de Mexico qui fait un travail de prévention. Un vrai travail de prévention. Et donc, justement, aujourd'hui, là, dans les débats, on pourra, enfin, dans les discussions, on pourra entendre que précisément, les prostituées sont peut-être dites, justement, pas travailleurs sexuels, etc. Mais les premières à pouvoir faire de la prévention, précisément, donc la question de la reconnaissance. Et donc, on va. Je remercie Greg, qui est à la technique, qui a préparé, justement, des petits jingles aussi. Et des petits morceaux musicaux. Et il y aura justement aussi un morceau qu'on dédiera à Morgane. Et normalement, on devrait réussir à le passer. Si c'est pas trop long, je vais pas trop parler alors. Donc, on se retrouve après un morceau de musique avec le collectif du 8 mars. Yeah. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Bachelot, c'est la guerre, on est pute, on est fiers. J'ai un peu l'air d'une pute. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics. Ici de la brigade anticriminalité du 16e arrondissement de Paris, c'est le meilleur moment pour effectuer un flagrant délit de racolage. 106.3 FPP, vous êtes toujours, et c'est que le début dans la jungle des luttes, donc la thématique a été lancée, je vous laisse écouter. On est ce soir avec le collectif 8 mars pour toutes. Peut-être que je vais vous laisser présenter le collectif et puis présenter après toute la suite, puisque le collectif, c'est un collectif qui regroupe plein de gens, enfin, d'horizons différents. Oui, donc je suis Natacha des Tumultueuses, donc il y a un groupe féministe non mixte. Donc ce collectif a été créé notamment à une manifestation qui s'est tenue le 25 novembre 2011 où il y a eu les mots d'ordre qui étaient donnés pour la manifestation ne reflétait pas l'opinion de l'ensemble des groupes féministes qui voulaient s'associer à cette manifestation qui était contre les violences faites aux femmes. Donc c'est un thème évidemment très important au sein du féminisme. Et lorsqu'il y a eu des tentatives pour faire entendre une autre voix, une opinion divergente, ça s'est très mal passé. Ça a été même violent, justement. Paradoxalement, et on s'est dit que c'était pas possible et que il fallait qu'on s'organise pour que les choses se passent autrement. Et donc le 25 novembre, quel 25 novembre? Donc, peut-être Morgane, elle peut expliquer un peu. Ouais. En fait, il y a la journée, le 25 novembre, c'est la journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc il y a une manifestation qui est organisée. L'année dernière, en fait, elle s'est tenue le 5 novembre, mais une sorte de date, on s'en fout. Et en fait, dans les revendications, il y avait notamment la pénalisation des clients de prostituées. Et c'est une revendication qui, en réalité, va augmenter les violences envers les femmes que sont les travailleuses du sexe. On reviendra dessus après. Du coup, nous, en tant que STRAS, donc syndicat du travail sexuel, on est allé à cette manifestation avec des personnes alliées, notamment ACT UP Paris et puis d'autres personnes qui étaient là à titre plus ou moins individuel. On y a été avec des pancartes pour rappeler que la pénalisation des clients égale violence faite aux femmes. Et en fait, on s'est fait plus ou moins agresser lors de cette manifestation où des gens sont venus nous arracher les pancartes des mains, sont venus nous dire qu'on était la honte de la manifestation. À la fin, on a dû partir on nous a dit qu'il faudrait maintenant vraiment que vous partiez parce que là, vous allez être éjectés vraiment plus violemment. Et donc c'était tout ça dans le cadre d'une violence contre les dans le cadre d'une manifestation contre les violences faites aux femmes. Ça a été très très violent. Et je pense que c'est ça qui, enfin, lors de cette manifestation, pas mal de personnes se sont rendues compte que là, ce qui était en train de se passer au niveau du féminisme français, c'était juste plus possible parce qu'il y a vraiment un fort clivage entre d'un côté un féminisme abolitionniste et qui défend la mesure de pénalisation des clients, et des personnes qui sont féministes, abolitionnistes ou pas, mais qui ont conscience que la pénalisation des clients va encore plus mettre en difficulté les travailleuses du sexe. Et ça a commencé à donner lieu à des échanges sur « c'est plus possible, il faut qu'on soit là dans les manifestations féministes, mais avec un autre discours ». Et donc pour le 8 mars, comme on se doutait que la même chose risquait de se reproduire, il y a eu cette idée qui est née de vraiment se former en collectif entre notamment les travailleuses du sexe et les alliés et les autres personnes qui ne sont pas représentées par le féminisme institutionnel, on va dire, qui souvent lance les appels officiels pour ce genre de manifestation, donc les travailleuses du sexe, les femmes voilées, etc. Et l'idée, c'était de pouvoir créer dans la manifestation du 8 mars un espace pour que les femmes dont les revendications ne sont pas entendues par l'appel officiel, créer un espace où ces femmes pourraient être présentes et manifester avec leurs revendications, voilà, être en sécurité avec des alliés féministes également. Donc c'est un peu comme ça qu'est né le collectif 8 mars pour toutes, en fait. C'est ça, donc de novembre pour justement préparer ce, ouais, Ce 8 mars. Pour compléter rapidement, effectivement, comme disait Morgane, donc c'est parti de ce qui s'est passé donc le 5 novembre dernier lors de la manifestation. Effectivement, on a quand même assisté à des féministes qui défilent contre les violences faites aux femmes et qui tapent physiquement sur des putes qui sont aussi des femmes. Donc on était tenté d'en conclure que les putes n'étaient pas des femmes pour certaines personnes. Et en fait, à l'approche du 8 mars, c'est vrai qu'on a un petit peu anticipé la chose et on a appris que certaines formations... Bah que de toute façon, le CNDF réitérait sa revendication. Tu peux peut-être dire ce que c'est le CNDF pour c'est des le collectif national des droits des... coordination ouais. collective, je ne sais jamais. Coordination. Non, collectif. Oui, je pense que c'est collectif. Bon, c'est coordination. Coordination, ouais. Il me semble. Ça avait l'air plus sérieux. Ouais. Quand j'ai lu... c'est coordination. C'est vrai, coordination nationale des droits des femmes. Donc c'est vrai qu'ils représentent un peu le féministe mainstream institutionnel. C'est eux qui lancent des appels chaque année, traditionnellement, et pour le 25 novembre, et pour le 8 mars. Et ils ont maintenu, parce que la pénalisation des clients, des putes, quoi qu'on en dise, ne fait pas consensus partout, ils ont préféré finalement, enfin le CNDF a préféré maintenir la revendication de pénalisation des clients des putes, plutôt que finalement que de préserver un cadre unitaire. Donc c'est le CNDF qui a renoncé au cadre unitaire. Et ACT UP et le STRAS et d'autres formations notamment ont appris que, bah, que notamment le NPA, je pense au NPA, à Europe Écologie et au mouvement national du planning familial, bah, ne signerait pas cette année l'appel 8 mars en raison de cette divergence. Quoi. Donc c'est vrai qu'on a un peu rebondi. Enfin, l'idée, ça a été un petit peu de faire ça, de plutôt que bah, vous ne signez pas l'appel, vous allez faire quoi? Du coup, vous n'aurez pas de place dans la manifestation. Bah, mettons-nous ensemble et revendiquons d'autres... Enfin voilà, portons donc, d'autres revendications qui sont niées par CNDF et depuis longtemps, de fait. Donc planning familial, NPA et Europe Écologie. Et Europe Écologie. Ouais. En fait, eux avaient été sollicités. Ils font partie du collectif aussi 8 mars. C'est un collectif informel. Donc on a signé un appel commun le 8 mars 2012. Oui, pour cette action, en fait, il y a eu un regroupement. En fait, bah, comme ce que disait Morgane tout à l'heure, en fait, ça clive beaucoup le mouvement féministe. Donc dans chacune des organisations, il y a aussi Des clivages. Donc il y a des orgas dans lesquels certaines choses sont claires. Moi, je suis militante au NPA et au NPA, par exemple, la question d'être contre la pénalisation des clients, ça, c'est clair. Et après, il y a aussi des orgas dans lesquels il y a différentes tendances. Donc c'est vrai que les Verts, pour le 8 mars, bah, il y avait une partie, notamment la commission femmes, en fait, qui s'était mobilisé. Bon, après, il n'y a pas eu forcément de signature du mouvement national, quoi. Puis après, c'est pareil pour planning. Le planning national est plutôt contre, mais ce n'est pas le cas forcément des fédérations. Donc voilà. Après, ce collectif 8 mars pour toutes, l'idée, c'était pour la manif du 8 mars 2012 de faire un cortège dans lequel tout le monde, toutes les femmes pouvaient venir, qu'elles soient putes, gwyn, trans, voilées, etc. Il y avait une place pour toutes les femmes. Ou les quatre. Ou les femmes. et c'est vrai que c'est du coup un collectif qui est constitué soit d'organisations et à ce titre, soit d'individus. Voilà. UES. Donc c'est ouvert, voilà, c'est un collectif qui est ouvert à toutes, quoi, et qui continue de se mobiliser parce que là, c'est ça repart fort à la rentrée avec le nouveau gouvernement qui est super clair sur la question de l'abolition, sur la question de la pénalisation. Donc c'est une bataille qu'il faut continuer de mener. Donc ce cadre, il a bien fonctionné. Je pense que c'était une belle chose, ce qu'on a réussi à faire le 8 mars dernier. Je pense qu'on était toutes conscientes de ça, qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose qui était utile, qui était important à faire. Là, l'idée, c'est de continuer, du coup, quoi. Donc là, on continue, on fait demain un colloque où on donne justement la parole aux personnes, aux putes et au soutien aux putes qui sont contre, des féministes qui sont contre la pénalisation du client. C'est l'occasion de donner la parole un peu parce qu'on ne l'a pas souvent, je pense, de ce côté-là. Il y aura le 25 novembre de cette année. coup, voilà, je pense qu'on va se mobiliser aussi, mais voilà, l'idée, c'est de continuer un peu cette mobilisation. On peut peut-être en profiter juste, s'il y a des personnes qui ne nous écoutent pas jusqu'au bout, dire que justement, ce collectif on a les moyens de contacter ce collectif, de prendre contact avec vous. Donc peut-être que vous pouvez juste, même si on va continuer à discuter, mais dire qu'il y a... On a monté un groupe Facebook, puisque Facebook est incontournable. Une page Facebook. T'es beaucoup plus jeune que moi, toi. Une page Facebook qui s'appelle... C'est 8 mars pour toutes, je crois. Ouais. Et sinon, je pense... Enfin, je sais pas, en passant... éventuellement, en appelant soit les numéros disponibles du STRAS ou d'Actop Paris, on peut avoir des renseignements et on est dans la nuit. Ouais. Ben justement, peut-être que vous pouvez en profiter pour donner les coordonnées. Donc, ACT UP, on fait ACT UP Paris sur... On est dans un contexte politique qui fait que j'ai pas trop envie de donner l'adresse, le code et mes codes ADN. Non, je parlais du coup, c'est... voilà, les gens, ils tapent ACT UP et on trouve tout de suite les infos. Je pense que si les gens tapent... Enfin, ACT UP, c'est sûr, le STRAS, c'est peut-être pas les pages jaunes, mais il y a des contacts disponibles. Ou via Facebook, ou voilà. Sur Internet, il y a un site du STRAS. Oui, il y a un site avec les contacts, mon numéro de téléphone. Il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc déjà, on peut rencontrer les personnes de ce collectif, même si on ne fait pas partie d'une des organisations qui en font partie jusque-là, puisqu'il y a aussi des individus dans ce collectif, peut-être qui, justement, étaient là le 25 novembre et qui s'étaient joints, ou quand il y a des individus qui sont joints après autrement, parce qu'on a parlé d'organisation de groupe, mais du coup, c'est toujours difficile quand on est un individu de pouvoir éventuellement... Je ne sais pas ce que vous en pensez, sur les réunions qu'on a organisées, de fait, les personnes qui ont été contactées par les réunions, c'était un peu notre réseau, donc des gens plutôt, a priori, appartenant à des structures. Après, pendant la manifestation, il y a quand même des personnes qui nous ont rejoints, qui venaient à titre individuel. Et d'ailleurs, moi, j'ai le souvenir à la manif du 5 novembre... d'une dame qui était avec une poussette avec un bébé dedans, et quand elle a vu ce qui se passait, mais elle a quitté le cortège principal, elle est venue avec nous et elle balançait les slogans ni coupable ni victime, fière d'être pute. Il y a quand même des personnes qui ont été vraiment qui au début avaient peut-être pas forcément d'avis sur cette pénalisation des clients et qui peut-être en ont pas forcément eu après, mais qui étaient là en tant que personnes qui viennent défiler contre les violences faites aux femmes et qui ont vu un groupe de femmes se faire agresser par les personnes de la manifestation, et qui à partir de là se sont même pas posé la question de pénalisation des clients ou pas, mais se sont dit ce qui est en train de se passer dans cette manifestation, c'est inacceptable, et qui nous ont rejoints et avec qui après on a pu discuter, expliquer, etc. Et c'était intéressant. C'est dommage qu'il faille parfois en passer par là pour créer des liens, tout ça. Mais en tout cas, ça a quand même montré, parce que ce qui se passe dans les débats actuels en France, c'est que la pénalisation des clients est présentée comme vraiment une revendication féministe. Et on oppose toujours les travailleuses du sexe aux féministes. Et genre, si on est féministe, il faut défendre la pénalisation des clients, c'est comme ça. C'est ça. Et si tu ne le fais pas, tu n'es pas féministe. Voilà. Et du coup, par ce collectif, je pense que ce qui est super important, c'est que ça montre que non, on peut être féministe et soutenir les travailleuses du sexe dans leur lutte, et donc s'opposer à la pénalisation des clients en tant que féministe. Et c'est une voix qui manque pas mal dans les débats, justement. On peut peut-être même ne pas être féministe au sens strict et défendre, et être contre la pénalisation. Enfin, je dis ça parce que moi, par exemple, je ne me sens pas... pas féministe au sens, tu vois, féministe par exemple, ce que je racontais l'autre fois à Elsa, féministe c'est voilà, je suis femme, je défends les femmes, je suis contre la pénalisation, je suis pour défendre les droits des travailleurs sexuels, pour qu'il y ait une société qui reconnaisse un certain nombre de choses, et je me sens pas féministe par exemple, c'est-à-dire que du coup... J'ai du mal à croire que tu sois pas féministe. Non, mais justement. Non, mais c'est ou alors tu veux dire que t'es anti-sexiste. Mais c'est pour ça, Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est justement ça. C'est-à-dire que du coup, t'es de toute façon. T'es pas obligé de revendiquer, c'est ça que je veux dire. T'es pas obligé de revendiquer le terme féministe. C'est-à-dire, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que moi, je sais pas si. Moi, je suis contre l'exemple, je suis contre la pénalisation des clients parce que je travaille dans la lutte contre le sida. Et que sur le terrain, la pénalisation des clients va accroître la propagation de l'épidémie. Voilà, je suis également féministe, mais. Oui, c'est pour ça, c'est qu'il y a plein d'entrées. C'est-à-dire qu'il y a plein de. Il y a plein d'entrées. C'est-à-dire pourquoi on est contre la pénalisation on parle effectivement de ça parce que c'est un sujet qui est actuel, qui est en train de se débattre effectivement après au niveau de la société, de la place que peuvent avoir les femmes, et puis notamment justement la question du travail sexuel qui n'est pas du tout reconnu. En fait, je pense que il y a des questions qui, enfin, on peut aller plus loin sur quelles sont les questions qu'on peut poser sans être féministe, justement. La question de reconnaître le travail sexuel comme un travail comme les autres, par exemple, enfin, c'est quelque chose dont on est quand même loin, du coup, puisque... Il y a plein d'angles d'approche, en fait. Il y a l'angle santé publique, réduction des risques, il y a l'angle féministe, il y a l'angle de soutien des travailleuses en lutte, tout simplement, sans forcément être féministe. À partir du moment où c'est des personnes qui travaillent et luttent pour améliorer leurs conditions de travail, je pense que normalement la gauche devrait se sentir solidaire de fait, ce qui est loin d'être le cas en France, parce qu'on ne nous reconnaît même pas la qualité de travailleuse dans la plupart des temps, dans la plupart du temps. Enfin, il y a plein d'entrées différentes et du coup d'arguments au nom desquels nous soutenir dans parce qu'au final, on se bat pour accéder aux droits auxquels les autres travailleuses ont droit, auxquels les autres femmes ont droit et qui nous sont déniés en raison de notre qualité de travailleuse du sexe. 106.3 FPP, la jungle des luttes. On va continuer donc avec le collectif du 8 mars pour toutes et notamment la lutte autour de la question des travailleurs et travailleuses sexuelles et de la reconnaissance avant tout. Et on petite pause musicale quand même, on fait une petite coupure. Musique. Et on continue. Jungle des luttes spéciale dédicace à Morgane, Cindy Lauper. Donc normalement, on va continuer avec la suite du programme, hein, parce que s'il y a un petit bug technique, on arrête là et on passe à la suite, c'est ça ? Comme ça que ça se passe. On continue avec le collectif du 8 mars, qui donc toutes les groupes qui se présentent. Toi, Morgane, qui fait partie du syndicat du travail du sexe, peut-être un peu préciser. Ce que c'est l'activité, comment ça s'est développé, depuis quand, quoi. Moi, je suis travailleuse du sexe moi-même. Et du coup, oui, je suis secrétaire générale également du syndicat du travail du sexe, du coup. L'idée, ça a été de créer une structure par et pour les travailleuses du sexe au sein de laquelle on défendrait nos droits en tant que travailleurs et travailleuses. Parce que y a en effet tout un lobby qui vise juste à vouloir faire disparaître la prostitution, avec des discours qui relèvent très souvent de la propagande idéologique. On parle toujours de la prostitution, avec toutes ces histoires de trafic absolument horribles. Or, en mettant en avant l'idée que c'est un travail, ça met en avant l'idée que non, c'est pas forcément... Enfin, que les abus qu'il peut y avoir dans ce secteur d'activité, ils sont pas forcément... c'est pas obligatoirement lié à l'activité en elle-même, mais aux conditions de travail dans lesquelles on va exercer. Et du coup, nous, on se bat pour faire changer les lois pour qu'on puisse travailler dans des conditions de travail qui ne nous mettent pas en danger, qui ne nuisent pas à notre dignité, à notre sécurité, à notre santé, etc. Il a été monté quand, ce syndicat ? Alors, il a été créé en 2009. Donc, c'est assez récent. Ouais, ça fait 3 ans. Et il y a beaucoup de gens qui tournent autour, ou c'est vraiment que donc des prostituées qui sont... Il y a également beaucoup, on a des alliés. Après, on est en majorité des travailleurs et travailleuses du sexe. Et au niveau, voilà, on fonctionne avec un conseil d'administration, etc. Du coup, vous ne pouvez être élus et voter que des travailleuses du sexe. Après, évidemment, on refuse jamais des soutiens. Ouais. Si des personnes veulent nous aider à faire des pancartes ou quoi que ce soit, ils sont tous et toutes bienvenus. Et on a également, là, depuis quelques temps, créé 2 postes de juristes à mi-temps, enfin 2 postes à mi-temps, pour justement pouvoir suivre les travailleuses du sexe qui ont des problèmes avec la justice à cause des lois, etc. Et pour vraiment essayer de favoriser l'empowerment des putes elles-mêmes en les informant sur leurs droits, parce que très souvent les droits sont bafoués, parce qu'il y a des personnes qui sont migrantes, sans papier, qui connaissent pas leurs droits, et du coup la police en profite. Et l'idée, c'est vraiment de créer l'empowerment des putes pour qu'elles puissent se défendre, enfin leur donner les outils pour se défendre face à l'exploitation, etc. Et du coup, vous faites un travail de terrain ? On fait un travail de terrain, on fait un travail également de lobby politique et d'information au niveau grand public pour informer les gens sur les réalités du travail sexuel et pour essayer justement de déconstruire un peu tous ces clichés, ces stéréotypes qui sont encore trop présents. Du coup, on essaie de travailler un peu à tous les niveaux parce que hélas, il y a du boulot à faire à tous les niveaux, quoi. Donc moi je travaille pour l'association ACT UP Paris, donc qui est une association activiste de lutte contre le sida. Et je sais pas, c'est une évidence quand on travaille dans la lutte contre le sida d'être aux côtés des travailleuses sexuelles dans leur lutte. Pourquoi ? Parce que le sida étant, comme on sait tous à ACT UP Paris, une épidémie politique qui touche en premier lieu les minorités stigmatisées. Voilà, lutter contre le sida implique de lutter aussi pour les droits des minorités, plus spécifiquement des minorités sexuelles, donc les travailleurs du sexe sont un peu en plein dedans. Faut savoir que, c'est même pas la majorité, c'est l'ensemble des associations de lutte contre le sida et plus largement de santé communautaire soutiennent les revendications des travailleurs sexuels pour leurs droits, ne serait-ce que pour le droit commun, pas pour les droits spécifiques, et de fait s'opposent à la pénalisation des clients. Donc, d'un point de vue de santé publique en général et de lutte contre le sida en particulier, pourquoi ? Parce que la pénalisation des clients, c'est une mesure répressive. Que sur le terrain, ça va donner quoi ? Ça va donner l'envoi des forces de l'ordre sur les lieux de tapin. Donc ça va obliger les travailleuses sexuelles, travailleurs et travailleuses sexuelles, à plus se cacher, à plus rentrer dans une invisibilité qui peut être dangereuse déjà au quotidien en termes de violence. Et en termes de contamination, ça va éventuellement diminuer un petit peu le nombre de clients, donc diminuer les ressources des travailleurs sexuels, diminuer leurs revenus. Ça risque d'entraver leur capacité à imposer le préservatif. Et il faut savoir que c'est une donnée historique et intangible. Les travailleurs sexuels sont des acteurs de prévention depuis le début de l'épidémie. Ce sont de véritables acteurs de prévention, tant envers leurs pairs, enfin leurs collègues, qu'envers les clients. C'est vraiment des vecteurs de prévention et de rapports protégés, si elles en ont les moyens. Et par ailleurs, il y a aussi, donc ça c'est vraiment un point de vue peut-être plus actopien que par rapport à l'ensemble des associations de lutte contre le sida, mais il y a aussi toute la question de ce que citait Morgane, de l'empowerment et de la parole, de l'importance de la parole à la première personne. C'est pas à des structures mainstream ou majoritaires de parler à la place des minorités, que ce soit les putes, les trans, les gouines, les migrantes, les prisonniers, donc toutes ces minorités potentiellement touchées par l'épidémie. c'est elles qui sont le mieux, le plus à même de savoir ce qui est bon pour elles. C'est pas aux gens de parler. Et c'est marrant d'ailleurs parce que ce qu'on entend maintenant, parce que je suis co-présidente d'ACTOP, mais je suis également Gwyn à mes heures perdues. Et ce qu'on entend maintenant sur les travailleuses sexuelles, genre, mais même si elles disent qu'elles l'ont choisi, c'est pas vrai, c'est forcément... Elles subissent une oppression, elles savent pas ce qu'elles disent. C'est exactement ce qu'on entendait sur les lesbiennes il y a une vingtaine d'années. Elles disent que c'est chouette, mais en fait non, elles ont eu un problème avec leur père ou elles sont pas tombées sur le bon. C'est exactement le même principe, c'est le même argument qui faisait qu'on empêchait les femmes de voter il y a 60 ans. Donc c'est quand même dingue que les féministes s'emparent de ce type d'argument et ce type de rhétorique maintenant pour faire chier une minorité sexuelle qui ne lui a rien demandé, quoi. Ben moi, je milite au NPA, notamment à la commission intervention féministe de la région parisienne. Donc au NPA, on a eu des discussions sur la question de la prostitution, qui continue d'ailleurs. Voilà, on n'est pas toutes d'accord sur cette question. Par contre, il y a un truc qui est clair, c'est sur... T'as dit toutes, mais... Dans mon tout, en fait, des fois, il y a des tirets. Donc, je le dis, c'est bien comme ça, les auditrices et auditeurs apprennent à entendre des discours au féminin, comme nous, on entend tout au long de la journée des discours au masculin et qu'on n'en peut plus parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas concerné par ces discours, parce qu'ils ne sont pas féminisés. Donc oui, j'ai tendance à féminiser, ça fait du bien. Et donc oui, bah, en gros, au NPA, on est contre la pénalisation des clients, notamment dans le cadre de la loi de sécurité intérieure de Sarkozy, qui fait que, comme l'a expliqué tout à l'heure Cécile, bah, c'est en gros les putes qui sont au final les plus victimes de cette... Oui, les putes et les migrantes notamment, t'as raison. Notamment les putes migrantes. Ouais. Qui sont le plus victimes en fait de cette loi-là. Donc dans ce cadre-là, voilà, c'est quelque chose qu'on combat, quoi. Après, moi, d'un point de vue personnel, il y a. On en débattra, mais il y a cette notion que. Bien sûr, je suis contre la traite, d'une manière générale, je suis contre le patriarcat, je suis contre. La domination masculine, les violences faites de femmes, mais ça d'une manière générale, quoi. Mais je suis contre aussi stigmatiser un groupe de femmes et de travailleuses en disant que voilà, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et qu'en abolissant leur travail, bah, ça sera terminé, quoi. Voilà. Donc moi, c'est un peu ça, hein, la manière dont j'aborde la question, quoi. Et alors, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est contre-productif et assez aberrant, en fait, de stigmatiser sur des groupes de femmes et de travailleuses, voilà, des problèmes qui traversent notre société, quoi. Donc pareil pour l'exploitation au travail. Je suis contre l'exploitation au travail, oui, pour tout le monde et pour tous et toutes. Et même les travailleuses sexuelles. Moi, c'est comme ça que j'aborde en tout cas la question. Les tumultueuses, peut-être que tu peux un peu présenter ce qu'est votre. C'est un collectif aussi. Oui, on peut dire c'est un collectif, un groupe. Voilà, c'est un groupe, c'est complètement informel. On n'est pas constitué en association. Voilà. Mais vous existiez avant le mois de novembre, oui, enfin, vous tout étiez à fait. Déjà... Alors par contre, il y a un lien avec la naissance du groupe, puisqu'en fait, on s'est constitué il y a 5-6 ans, et c'était notamment autour de ces questions-là, autour de la question de la mise à l'écart le Stras à l'époque, il n'existait même pas, mais enfin, de groupes de prostituées. Qui portait un certain nombre de revendications. Il y avait aussi un groupe de filles voilées qui en portait d'autres et qui étaient exclues des manifs, c'est-à-dire physiquement, on ne les laissait pas manifester les 8 mars. Et donc le groupe des tumultueuses, qui au début en fait était un collectif d'organisation puis finalement est devenu un groupe d'individus, s'est constitué autour de ces questions-là. L'idée un petit peu fondatrice du groupe, je dirais, c'est le slogan « Ne me libérez pas, je m'en charge ». C'est un peu ça l'idée, le fil rouge, on va dire, du groupe, et ce qui nous permet de nous positionner et d'être d'accord, même si après il peut y avoir des divergences théoriques ou même de sensibilité sur un certain nombre de questions qui sont complexes. En tout cas, voilà, il y a cette idée-là. Et puis, il y a l'idée que s'il y a des femmes qui luttent pour améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, eh bien, naturellement, on va les soutenir dans leur lutte et dans leurs revendications. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce 8 mars, c'était vraiment... parce que il y a eu aussi des 8 mars, en fait, où les gens qui n'étaient pas d'accord étaient à côté. On fait un autre 8 mars. Et là, ce qui était vraiment très agréable, finalement, c'était qu'on a pu faire... dire, bah non, on n'est pas obligé de faire un 8 mars à côté, et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire un 8 mars tout ensemble, et même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de questions, bien on respecte les positions les unes des autres. Et l'autre idée aussi des tumultueuses qui est importante, c'est qu'on pense que il n'y a pas un féminisme, voilà. On n'est pas là pour distribuer les bons points et dire à tel ou tel groupe, toi ça va, on peut te classer dans les féministes parce que tu es sur la même position que nous, toi c'est pas possible. Et c'est pareil aussi pour les comportements des individus, c'est-à-dire chaque femme elle fait comme elle peut. On est dans une société où les femmes sont dominées et où chacune on développe les stratégies qu'on peut, et il n'y a aucune femme qui puisse dire qu'elle n'a pas fait de concessions. Qu'il n'y a pas un moment où elle n'a pas développé une stratégie qui n'est pas purement féministe. On fait ce qu'on peut, et on n'est pas là pour se juger et se distribuer les bons et les mauvais points. Enfin, c'est vraiment ça, je pense, l'idée principale. Et pour ce qui concerne la prostitution, je dirais que ça, ce qui paraît d'autant plus naturel, entre guillemets, ça ne veut pas dire grand-chose, naturel, mais dans le soutien à cette lutte-là, c'est que c'est quand même tout ce qui est autour de la sexualité, c'est quand même... un des moyens de domination, justement, mais pas... c'est transversal, en fait. La question de la sexualité, de manière générale, c'est un moyen de domination, et le stigmate de la prostituée, mais il concerne toutes les femmes. Parce que toutes les femmes, à un moment, elles peuvent être renvoyées au fait d'être des putes, et à partir de ce moment-là, c'est terminé, tout est possible, plus rien ne les protège, entre guillemets, puisque à partir du moment où elles sont des putes, tout est permis. Et donc la grande peur qu'on peut avoir, c'est d'être assimilée à ce groupe-là. Il peut y avoir des stratégies, ça peut être de tout faire pour se démarquer de ça et de faire passer le message très clair. Non, non, je ne suis pas une pute. Surtout, de ne pas avoir toujours cette épée de Damoclès, en fait. Pour ces femmes-là, avec ce stigmate tellement lourd, et effectivement il y a à la fois le côté mépris du public et le côté bousculé par les flics. Il y a d'ailleurs un rapport qui a été fait sur les violences policières à l'encontre des travailleuses du sexe prostituées, où on dénonce en fait le comportement, enfin les violences policières exercées à leur encontre, qui a été fait par la LDH, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France, que je vous invite à consulter parce que c'est assez intéressant, donc sur la violence d'État qui est exercée. Et voilà, donc dans ces conditions, ça nous paraît tout à fait naturel de venir les soutenir dans leurs revendications qui ne visent qu'à améliorer leurs conditions de travail et de vie. Maintenant, sur est-ce que la prostitution en soi, etc., c'est une question complexe, on n'a pas forcément toutes les mêmes opinions, mais c'est pas ça qui importe. En fait, en tout cas, on est toutes d'accord qu'il faut les soutenir dans leur lutte. 106.3 FPP, la jungle des luttes, donc le programme mensuel du CSPCL. Aujourd'hui, on avait envie de créer des liens avec justement un secteur dont on parle peu, donc des travailleurs sexuels. On va continuer donc avec elle, puisque c'est notamment le collectif... du 8 mars pour toutes, dans lequel il y a éventuellement des hommes, évidemment, mais la question, elle est au féminin, avec tout ce que ça comporte dans ce système patriarcal, et donc de domination, etc., etc. Donc on va faire une petite pause musicale et on continuera justement sur la question de la mixité. Musique. Yeah. 106.3 FP, la jungle des luttes. On va continuer toujours avec le collectif du 8 mars. Juste, je voulais dire à ceux qui peut-être ne nous écouteraient pas jusqu'au bout, qu'il y avait une manifestation, enfin une marche des trans et de celles et ceux qui les soutiennent le 20 octobre 2012, donc cette année-là, bientôt, 14 heures, place de la Bastille et en direction de l'hôtel de ville. Donc voilà, il y a celles et ceux qui veulent se solidariser, se mobiliser avec les trans qui subissent des doubles, des triples discriminations, etc. Donc voilà, c'est rendez-vous le 20 octobre 2012, 14h, place de la Bastille. On va continuer donc avec le collectif du 8 mars. Bon, peut-être je provoque un petit peu. Juste pour le débat. Non, tout à l'heure, je disais, j'étais pas féministe, peut-être aussi parce que dans ma tête, j'ai du mal à me dire qu'on va réussir à changer les choses si on n'associe pas les hommes à un moment au combat et au changement de mentalité. Je dis ça parce que comme les Tumultueuses, tu as précisé que c'était un groupe non mixte. En même temps, je pense que c'est important qu'il y ait des groupes non mixtes. Enfin, c'est pas un problème, hein. J'ai pas dit qu'un groupe non mixte n'avait pas d'intérêt. Non, mais je profitais de rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que où on en est en France. Enfin, je dis ça parce qu'en fait, c'est peut-être pas le moment. Les luttes, c'est des processus. Et donc, il y a peut-être des moments où il faut déjà s'organiser, il faut déjà revendiquer, il faut déjà se dire qu'en France, même si on est un pays qui a des droits où les femmes ont quand même acquis beaucoup de droits par rapport aux autres femmes dans le monde, on pourrait croire qu'effectivement, on n'a plus beaucoup de combats à mener, bon, un peu pour les putes, ouais, bon. Et la mentalité, justement, c'est un peu ça. Et donc, peut-être qu'on est loin encore de pouvoir associer les hommes, ou je sais pas en fait comment les gens réagissent par rapport aux clients, par exemple, quand je vois que finalement les gens se battent contre la pénalisation des clients, c'est donc en premier lieu le travail sexuel, d'autres groupes puisqu'ils prennent conscience qu'il y a des dangers et qu'il y a aussi pas seulement des dangers mais c'est une idée de la société qui est derrière tout ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Et par contre, les clients, ils ne se sont pas manifestés du tout, par exemple. Où il y a eu des... Enfin, moi, j'ai envie de dire, en tant que syndicaliste pute, les clients, genre, c'est pas mon problème. S'ils veulent défendre leur truc, ils le défendent, en fait. Genre, moi, ça me regarde pas, c'est pas mon problème. Eux, au pire des cas, ils vont un peu plus galérer à trouver une pute. Ok, bon, ben, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Nous, au pire des cas, on va être super précarisés et on va crever, en fait. Donc, en fait, la lutte des clients, j'en ai juste... Enfin, les putes, on n'en a rien à foutre, c'est pas notre problème. S'ils veulent s'organiser, qu'ils s'organisent. Après, au niveau du féminisme et des rapports, je pense qu'il y a... Souvent, le féminisme est super décrié parce qu'il est considéré comme une lutte contre les hommes. Et en fait, il ne s'agit pas du tout de faire ça. Je pense que la lutte féministe, elle est pour permettre aux femmes d'être considérées comme des égales dans la société, ce qui est bien loin d'être le cas, et qu'on se bat contre un système qui fait que les hommes ont plus de privilèges dans la société et les femmes sont plus discriminées. C'est contre un système qu'on se bat, c'est pas contre les hommes. Alors on peut se battre contre un système qui fait que, pour beaucoup de femmes, elles n'ont pas d'autre source que le travail sexuel, parce que le marché de l'emploi leur est super fermé, et du coup dénoncer que souvent c'est les hommes qui ont le pouvoir de l'argent et que les femmes n'ont pas beaucoup de choix. Mais dans ce cadre-là, se battre contre le client, ou même contre la prostitution de manière générale, à mon avis, c'est prendre les choses à l'envers par rapport à la lutte contre le système patriarcal qu'on veut abolir. Parce que c'est ça, en fait, c'est quand même une question de système, et que du coup, il y a les femmes en premier lieu. Donc si t'es en plus femme et travailleuse sexuelle, comme on disait tout à l'heure, enfin, en plus avec SIDA ou immigrante par-dessus, tout se cumule. Et c'est justement quelque chose qu'on rencontre au Mexique, où justement, puisqu'on parle souvent du Mexique dans cette émission, et on en parlait déjà tout à l'heure, où justement il y a cette idée de, à travers la lutte, je parlais des hommes, etc., justement, non pas pour associer et plaindre le client, c'est pas la question du client, mais c'est la question du système, d'une société, et qu'il y a un moment où, comme on est obligé de construire un peu ensemble pour faire tomber le patriarcat, il faut compter que sur les forces des femmes, évidemment, à un moment ou à un autre, en premier lieu. C'est-à-dire que si les femmes se mobilisent pas, ça bouge pas. Mais par contre, c'est un système avant tout qui a peut-être pas forcément de sexe, du coup, de visage, enfin, etc. Enfin, le patriarcat, moi, je vois pas ça comme forcément genre, les hommes qui complotent. C'est ce que je te dis, c'est un système, c'est pour ça que je dis que ça n'a pas de sexe, c'est pas de même visage, si, forcément. Enfin, de fait, le système patriarcal fait que chacun, chacune va être élevé d'une manière différente, qui va nous construire socialement d'une manière qui fait que... Qu'il y a quand même des différences quoi, qui sont maintenues par ce système, et que souvent les hommes ont en effet des privilèges à perdre et que ça peut leur faire peur, etc. Je vois pas ça comme un truc de complot. Quoi. C'est vrai, il y a un système qui les favorise, bon, bah, tant mieux pour eux, mais le but c'est juste d'abolir justement ces principes de hiérarchie et pas d'abolir les personnes qui sont dans. Oui, non, là, mais c'est pour ça que je disais, non, mais comme on est sur femme, il y a homme, l'autre pendant, voilà, je pense juste... aussi que le système dont tu parles et qu'on vise à abolir, enfin, pour moi, il... Enfin, je sais pas. Moi, je travaille pas au niveau militantisme. Bon, je rappelle, moi, c'est lutte contre le sida. Donc forcément, je bosse pour ACT UP, qui est issu de la communauté homosexuelle mec. Donc clairement, je bosse vachement avec des mecs. Hein. Et puis vachement avec des PD. Je suis pas sûre qu'ils soient si favorisés que ça. Enfin, voilà. Oui. Je suis pas certaine qu'un PD soit plus favorisé par le système dont on parle qu'une nana hétéro. Quoi. Voilà, non, mais il y a tout ce truc un peu de. Précisément voilà. Ça pour par ailleurs, je pense. Et voilà, et ce système, pour moi, certes, quand on est mec blanc hétéro, c'est vachement plus simple que de naître migrante lesbienne. Enfin, quoique Dieu est une lesbienne noire, comme chacun sait. mais voilà, moi, je pense que le système et tous les clichés qui vont avec, pour moi, ils pénalisent aussi les mecs. Quoi. De la même manière qu'une femme doit être bonne, baisable, matrice à môme potentiel, bonne cuisinière et je sais pas quoi, un mec doit forcément être viril, bagarreur. Moi, je pense, et je sais, parce que je connais pas de mecs comme ça, qui se retrouvent pas du tout non plus dans ce genre de case. Oui, non, mais c'était pour ça. Après, c'était j'ai aucun jugement sur la non-mixité, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais travaillé en non-mixité. J'aurais du mal. Enfin, j'ai aucun problème avec les garçons, sauf que je couche pas avec eux. En fait. C'était pour un petit peu au cas où interpeller sur justement les hommes sur ces questions. Après, je suis complètement d'accord avec Morgane sur la question des clients. Moi, en tant qu'allié, la pénalisation des clients. Mais voilà, comme tu disais, les clients, s'ils veulent s'organiser, qu'ils se démerdent. Après, oui, mais de toute façon, les clients, de manière générale, je pense qu'ils se cachent sûrement d'une certaine façon parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que le système les a déjà se cacher. Mais bien sûr, mais il y a beaucoup d'hypocrisie par rapport à ce travail. Les clients, ce qu'ils voudraient dire, c'est que parce que personne ne parle et on va pas en parler ce soir, mais de ce que c'est que le travail sexuel, ouais, c'est un travail, c'est pas du vice ou de la perversion. Moi, les clients, je voudrais juste qu'ils mettent des capotes et qu'ils arrêtent de demander aux putes de pas mettre des capotes. C'est mon métier, en fait. Donc vous avez bien tous compris. Non, mais sur la question du féminisme, des hommes, des femmes, enfin, je crois que Il y a plusieurs choses. L'oppression des femmes, enfin, la première chose, c'est ne pas mettre en contradiction, en opposition, les différentes discriminations et les différentes oppressions. Et que il y a un truc qui est super important, c'est de justement réussir à croiser ces oppressions pour être au plus près de ce que vivent chacun et chacune. C'est-à-dire que si on prend juste la lutte des classes, à mon avis, on va pas très loin, parce que dans la lutte des classes, dans la classe des ouvriers et des ouvrières, et ben, les femmes et les hommes, ils vivent pas la même réalité. Donc il y a la question de la race en tant que on va dire construction sociale, hein, la race en tant que construction sociale, mais c'est pareil chez les blacks, chez les noirs, ben, les femmes et les hommes ne vivent pas la même réalité. Donc et c'est le cas aussi pour les femmes et les hommes. Ce qui est important, c'est pouvoir croiser, de savoir que un homme, enfin que ces trois autres types d'oppression se croisent et que donc un homme, une femme, noire, bourgeoise, ouvrier, etc. Et ben que t'auras pas la même réalité. Alors, en plus de ça, il y a toutes les autres discriminations qui sont la question de l'orientation sexuelle, la question du handicap. Enfin, voilà, il y en a plein d'autres, des discriminations. Et c'est important de les croiser. Donc, ce qui est vraiment... Enfin, moi, ce que je trouve assez déplorable, c'est surtout ne pas les mettre en contradiction. On n'est pas là en train de voir... Enfin, voilà, c'est quoi le... Bah, celle des femmes, elle est majeure. Évidemment, c'est 50% de la société. Donc, on peut pas... Voilà, elle n'est pas... Mais... L'idée, c'est de croiser ces oppressions. Et c'est pas de dire qu'on est... c'est pas... Moi, je pense que cette lutte, c'est les femmes qui doivent la mener. Évidemment, il y a des hommes qui sont féministes. Heureusement. Je veux dire, on en a. Et après, bien sûr, du vécu de chacun et chacune, voilà, chacun soutient ou pas la lutte, quoi. Mais c'est normal que chacune des luttes soit portée par les personnes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la parole à la première personne. Ça me semble normal, quoi. Sur la question des groupes non mixtes, moi, ça me semble logique aussi. Pour autant, je milite, voilà, par exemple, dans un parti où il y a des hommes, des femmes, et ça nous arrive de faire des réunions non mixtes, et c'est nécessaire. Et c'est nécessaire, parce qu'il y a des choses dont on ne peut pas forcément parler en mixité. Donc, voilà, il n'y a pas de choses écrites. Hein. Ce que disait Natacha tout à l'heure, c'est vraiment ça. On fait ce qu'on peut pour essayer de s'en sortir, quoi. Et de sortir de cette oppression et de faire changer la société. Pour rebondir sur ta question, sur ton interrogation, et sur la non-mixité qui nous caractérise, alors... on n'est pas dans le mix parce que les hommes nous posent un problème, mais parce qu'on pense que ce cadre-là est nécessaire, notamment, bah, en fait, on le fait essentiellement pour les réunions, c'est-à-dire que les actions, pour l'instant, elles ont été plutôt mixtes, mais pour nous réunir, pour prendre des décisions, on a constaté que la non-mixité, c'était ce qui nous convenait le mieux. D'abord parce que y a une parole qui peut être plus facile pour aborder un certain type de problème quand on se retrouve qu'avec des personnes qui partagent ces mêmes difficultés, et puis aussi parce que de manière générale une prise de parole qui est plus difficile pour les femmes que pour les hommes, hein, socialement, et du coup pour nous c'était important la non-mixité aussi pour favoriser cette parole-là. Alors, on est aussi consciente qu'entre femmes il peut y avoir aussi des choses qui se jouent parce que certaines parlent plus facilement parce qu'elles ont fait plus d'études ou parce que voilà, elles ont un caractère comme ça qui fait qu'elles parlent c'est plus facile pour elles de prendre la parole, et on a aussi des sortes de petits règlements intérieurs pour se rappeler dans les prises de parole, d'essayer de favoriser le fait que chacune puisse prendre la parole. Parce que l'idée, c'est qu'on n'est pas en réunion non mixte pour reproduire des schémas qu'on peut critiquer par ailleurs. Et donc voilà, maintenant que des hommes pro-féministes nous soutiennent dans nos luttes, on en est ravis. Je pense aussi, effectivement, qu'il y a des rôles sociaux et qu'effectivement, un certain nombre d'hommes peuvent souffrir de ce rôle qu'on leur impose, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même aussi un rapport de domination. Et qu'on pense que structurellement, les hommes ont un certain nombre de privilèges, et que c'est la raison pour laquelle, s'ils s'associent aux luttes, c'est bien, mais ce n'est pas sur eux qu'on compte pour faire changer les choses. Voilà. Maintenant, si on reprend le schéma ouvrier-patron, s'il y a des patrons qui se joignent à la lutte des ouvriers, tant mieux. Hein. Enfin, je veux dire, c'est bien. Mais est-ce qu'on va... la différence qu'on peut y voir, c'est effectivement le fait qu'il y ait cette histoire de rôle qui s'ajoute, hein, qui fait que la situation est un peu différente. Parce qu'effectivement, il y a ce rôle qui peut être vécu, subi par un certain nombre d'hommes. Voilà, donc voilà les petites choses que je voulais ajouter sur la non-mixité. Jungle des luttes, donc on continue, on va quand même faire une petite pause musicale. On est toujours avec le collectif du 8 mars pour toutes, donc qui regroupe plusieurs organisations comme le syndicat des travailleurs sexuels, ACT UP, les tumultueuses, le NPA, etc. Donc, ou des individus qui militent et luttent contre l'abolition, contre la pénalisation des clients et pour la reconnaissance du travail sexuel. Et donc, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve. Musique. Et donc, justement, avant qu'on cale la musique, non, c'est bon, ça part. Some of us seeing what we know to be compared. How many predictions come to pass this year? Did they know North Africa would erupt? But what they know, we don't know. That's how they keep it from us. So I burn the fire from the courts to the cops. Spiritual wealth is what fills my cups. I use this hip hop to profess my love. I am not a pop star, I'm a motherfucking thug. I'm a thief for the truth, drugs. Getting lean off a liver, eat pop, you see me? They let the wrong one in when they let me in. You understand what I'm saying? Are you hearing me? I hear what they're saying with the undertone. They're telling me they went to Iraq to help them grow. They're so arrogant and so obvious. The truth pours from the ground in Fallujah, you see me? Sometimes you need to blaze up a fire. Let it be known for the record, Your Honor. Before the case gets settled, Your Honor. Let the fire blaze in various ways. Be it the road, be it the stage, the flames stay high. The mystify, the mist they fly. Tell eyes, put an eye with their tell eye vision. Subliminal programs or hold hands in prison. Hold hands with the ism that truly ain't him. Paint him, paint him, decimate him. Reduced to a fraction of flesh and skin. We sing, rhythm for the culture, scope precisely. Devilish encryption, could never subscribe we. Word power and sound moving the molecule. Wonderful, wonderful with many degrees. Pepper decree. Heat for reason, heat the heathens, pagans flee. In these streets are paved with fevery. False prophets, false hope, false believery. Sometimes you need to blaze up a fire. Let it be known for the record, Your Honor. Sometimes you need to blaze up a fire. Before the case gets settled, Your Honor. Sometimes you need to blaze up a fire. Let it be known for the record, Your Honor. Sometimes you need to blaze up a fire. Before the case gets settled, Your Honor. So let's form the battalion and stop battling for love of medallions. Covered blood laid up in an ambulance. Can't you see we're just Africans with new garms on but no hearts? Mannequins, while Freemasons dance with the Vatican's speech. I'm so tired of imagining. So ready for riots to start happening. Yeah. And Obama, I'm not backing him. Sickening, they drop bombs, then sing hymns in church like God's gone. And these devils really think they're gonna win, but they're wrong, car. I stand strong on every song and pardon war. If you don't know, I am the unknown man with unknown plans. Writing my future with no hands. Unplug your mind from the enemies. Programs live life with benignity. Famalam, stop the killing spree. Do you want to make money or history? Cause honestly, hand on my heart, no man in power's ever done a thing for me. It's not a mystery, it's liberties. Blaze up a fire till the victory. Go tell the judge and the jury. They don't know the half of the story. So if I break it down slowly, they can really see where I'm coming from. I had this mark before them come. Live it down, I never done. When they showed up, I never run. Stood firm for the Kanam drum. On est toujours donc dans la jungle des luttes. On continue avec en fait un petit. On a introduit un petit passage en fait. Vous avez entendu tout à l'heure, il y a ce colloque qui a eu lieu vendredi dernier à Paris, qui était donc justement précisément sur travail sexuel, prostitution, féministe contre la pénalisation des clients. Donc c'était un appel du collectif du 8 mars pour toutes. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là dans l'auditoire assez multiple, bien qu'il y a peu de gens quand même qui s'intéressent à la question. Mais il y avait quand même un débat qui a duré 1h30, des interventions, notamment des personnes que vous avez pu entendre aujourd'hui. Enfin, mais il y avait aussi des interventions dans le public. Et donc, il y a justement une petite intervention assez courte, mais qui, je trouvais, valait la peine, parce que c'était assez efficace pour justement... parler de notre rapport au sexe, à la morale, à la prostitution, à la contrainte, aux idées qu'on se fait. Et puis c'était une voix masculine justement dans cette journée féministe au pluriel. Donc on écoute ça, après il y aura un petit jingle pour nous remettre dans le vif du sujet et on continuera. J'ai mal et que ça va m'énerger du sexe, mais je voulais juste parler de mon vécu personnel parce que en 10 ans de prostitution, j'ai rencontré plein de clients. Effectivement, il y a des clients qui sont des connards, qui sont des salauds, mais il y a aussi des clients qui sont amoureux, il y a des clients qui respectent comment dire, les conditions qu'on leur impose, que ce soit sur le port du préservatif, sur les pratiques, sur plein de choses. Et inversement, il y a aussi des petits amis que j'ai pu avoir qui ont pu m'imposer des contraintes, qui, par exemple sur le préservatif ou sur plein d'autres choses. Et que pour moi, la question de la contrainte, ce n'est pas une question d'argent ou pas d'argent. Je pense que l'argent peut visibiliser une contrainte, mais en fait, le pouvoir, il passe par plein de mécanismes et pas que par le mécanisme de l'argent. Et c'est là où je pense que ça devrait faire partie du débat féministe, c'est pourquoi est-ce que la sexualité dite gratuite serait un gage de féminisme libéré, etc. Est-ce que c'est vraiment si gratuit que ça? Est-ce qu'on est vraiment libéré de toute interférence économique, même dans nos rapports dits gratuits? Et oui, enfin, je pense que pourquoi est-ce que la pute serait forcément, ne serait pas capable aussi de donner des outils féministes sur comment imposer le port du préservatif ou imposer, en fait, moi j'ai appris des choses dans le travail sexuel justement que je considère complètement féministes en fait. Et c'est pour ça que me dire ensuite qu'il faut éduquer la société sur la pression c'est mal et c'est antiféministe, etc. Je trouve que ça, c'est pas, enfin, dans ma logique, c'est pas logique quoi. Enfin, elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics. Pour établir le délit de racolage, Patrick a besoin du témoignage du client. Et pour ça, il n'hésite pas à lui mettre la pression. C'est pas tous les jours qu'elle rigole, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elle rigole. Les policiers conduisent la prostituée au commissariat. Elle va passer la nuit en garde à vue et risque jusqu'à 3 750 € d'amende pour racolage. C'est pas tous les jours qu'elle rigole, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elle rigole. Solidarité avec les putes et donc tous les autres mouvements qui luttent contre la discrimination et le système patriarcal capitaliste de domination sous toutes ses formes. On continue avec le collectif du 8 mars pour toutes. Et donc, sur la question de la sexualité et sur le fait qu'on considère, parce que comme je vous le disais, dans le groupe, il n'y a pas de... Enfin, sur la prostitution, ce qu'est la prostitution en soi. Est-ce que c'est une activité absolument comme les autres, etc. Enfin, il y a des discussions. On n'est pas très sûr. Voilà, on en discute entre nous. On a organisé un dîner sur ce thème pour échanger dans un cadre informel. On n'est pas très fixé, on va dire. Mais par contre, ce qu'on peut constater, là où on est toutes d'accord, et d'ailleurs avec beaucoup de féministes, je veux dire là-dessus, y compris avec des féministes qui peuvent être sur des positions très différentes des nôtres. Et d'ailleurs, c'est ça qui est curieux, mais sur la prostitution, des personnes qui peuvent être pour la pénalisation du client et qui vont partager notre constat que la sexualité, c'est un des vecteurs de domination. Donc, la question que je me pose, c'est pourquoi considérer qu'une personne qu'une travailleuse du sexe qui dit qu'elle n'est pas contrainte. Donc d'abord, moi, je n'ai pas de raison de douter de sa parole. Moi, si elle me dit qu'elle n'est pas contrainte, pourquoi est-ce que je mettrais sa parole en doute? Si elle me dit que c'est un choix, en tout cas, évidemment, tout choix est conditionné. Quand on choisit d'être caissière, voilà, c'est un choix. On choisit d'exercer le travail de prostituée, c'en est un autre. Bon. Mais à partir du moment où elle me dit ça, pourquoi est-ce que je considérais qu'elle va être plus victime de la société sexiste qu'une femme hétérosexuelle qui accomplit son devoir conjugal tous les soirs? Voilà. Et d'ailleurs, si elle ne le fait pas, on peut divorcer parce qu'elle refuse d'accomplir ce devoir. Donc, c'est ça un peu qui m'étonne. C'est que toutes les femmes... on a dans notre sexualité quand on était hétérosexuel, allait traverser cette sexualité par la question de la domination. Donc, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que pour les personnes prostituées qui sont pas dans des situations de... Pour les... excusez-moi, je dis personne prostituée, je me reprends parce que c'est un terme qui n'est pas du tout adéquat parce qu'en fait, ça renverrait au fait que les prostituées seraient nécessairement justement prostituées par des personnes et que ça ne peut pas être quelque chose qu'on exerce en activité indépendante. Donc je me reprends. Les travailleuses du sexe, je ne vois pas pourquoi elle serait nécessairement plus dominée sexuellement que d'autres femmes dans des relations hétérosexuelles. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Si, on a bien compris. Ouais, peut-être pour rebondir, moi je pense que je peux parler du coup en tant que pute et en tant que femme. Parce que ce qui est choquant dans bon nombre de discours, c'est cette idée justement où on refuse aux travailleuses du sexe, où on leur dénie leur responsabilité, leur capacité de prendre des décisions comme des adultes responsables, on leur dénie leur capacité de choix. Et quand je dis, moi j'ai préféré faire ce boulot-là qu'un autre, on va me dire, c'est pas possible, tu n'as pas pu en fait. Et si tu te dis que tu y as pu, c'est que tu te mens à toi-même. Et en fait, on me stigmatise en raison de mon comportement sexuel. Alors, en tant que femme, j'ai souvent été stigmatisée en raison de mon comportement sexuel, parce que je ne me pliais pas toujours aux règles d'un partenaire pour une sexualité reproductive, etc. Et là, quand j'ai commencé à être pute, et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui, au nom du féminisme, venaient me dire « Ce que tu fais avec ta sexualité, avec ta chatte, c'est pas bien. » Tu te rends pas compte, mais c'est pas bien, c'est en train de t'abîmer, c'est mal, tu te fais du mal, tu t'infliges des violences. Et moi, je dis, non, en fait, je vous jure, c'est pas violent, je baisse pour du fric, so what. En fait, moi, ça me va, je trouve ça moins violent comme manière de gagner du fric que d'autres manières que j'aurais pu trouver. Et des personnes, au nom du féminisme, viennent me dire que ma parole ne vaut rien, que de toute façon, si j'ai ces discours-là, c'est que je suis dans des stratégies de déni, des oppressions dont je suis victime, etc. Et je pense que c'est super violent comme mécanisme, en fait, vu qu'il s'agit de me traiter, en réalité, comme une enfant qui ne se rendrait pas compte de ce qui est bien ou pas pour elle. Et du coup, comme je ne m'en rends pas compte, on va me l'imposer par la force. On va pénaliser mes clients, parce que je me rends peut-être pas compte, mais en réalité, ils me font beaucoup de mal. Et enfin, c'est du paternalisme, c'est de l'autoritarisme, et fait au nom du féminisme, je pense que c'est super dangereux. Tu veux dire ? Non, je peux pas dire mieux, effectivement. Enfin, comme disait Morgane, c'est de l'autoritarisme, c'est du paternalisme, et c'est exactement les mêmes méthodes que pas mal de féministes depuis quand longtemps on reprochent... Au tenant du patriarcat, quoi. C'est qu'on même, va parler à votre place, moi, je compare souvent ça à la lutte contre l'IVG, l'avortement, où il y avait toujours ces mêmes discours, genre, mais quand même, c'est un acte grave, ça, c'est forcément un traumatisme, tu peux pas t'en remettre, etc., etc. Et bon, on va quand même légaliser, parce que sinon, en fait, les femmes, elles en mouraient, parce qu'elles avortaient quand même, mais dans des conditions sordides, et elles en mouraient. Mais les discours anti-IVG reposaient sur les mêmes bases qu'aujourd'hui les discours anti-prostitution. Et comme les femmes disaient « j'ai avorté, je vais bien, merci », on disait « tu te rends pas compte, t'es dans le déni », etc., etc. Et moi, c'est pour ça que aussi la lutte des travailleuses sexuelles est une lutte féministe, parce qu'on se bat en disant « j'ai un usage de mon corps, et c'est juste moi qui en décide ». Et tu peux peut-être trouver ça choquant ou ce que tu veux, mais en tout cas, va pas te... Non, tu me l'interdiras pas parce que c'est mon corps et jusqu'à preuve du contraire, j'en suis la seule propriétaire et c'est à moi de savoir ce qui est bon ou pas de faire avec mon corps, quoi. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'elles ont fait, comme disait Natacha tout à l'heure. Enfin, tu recitais un vieux slogan féministe. Enfin, il y a certains slogans fondateurs que des féministes mainstream, type OLF, etc., enfin, tremplin politique et autres structures de ce genre, ont un peu oublié, notamment « Ne me libérez pas, je m'en charge », et puis tous les slogans relatifs à la liberté de chacune à disposer de son corps. Effectivement, comme disait Morgane, la rhétorique utilisée aujourd'hui est exactement la même que des chantres patriarcaux de la pire espèce, de « tu sais pas ce que tu dis, et si tu dis ça, tu te trompes, et tu n'as pas conscience, et moi je sais mieux que toi ». Ouais, il y a un truc, je pense, qu'on peut ajouter, c'est que la lutte que mène notamment le Stras n'est pas distincte, enfin n'oublie pas en fait les prostituées dont on parle et dont toutes les autres organisations, notamment abolitionnistes, c'est-à-dire celles qui sont dans les traites, etc., qui n'ont pas choisi forcément ce métier. Je pense que ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire que les droits gagnés, qui seront gagnés par les luttes des prostituées, notamment tous les droits sociaux, ne permettront que aussi aux femmes qui n'ont pas choisi ce métier-là de pouvoir s'en sortir. Il n'y a qu'en donnant plus de droits à une catégorie de personnes qu'on donne à cette catégorie de personnes les moyens de se défendre face aux potentielles oppressions et agressions, etc. Et plus on va nous précariser, plus on va nous enfermer dans des mécanismes d'oppression et d'exploitation. Les personnes qui y sont déjà, ça va être d'autant plus dur pour elles pour en sortir, parce qu'elles seront également obligées de se cacher encore plus, et du coup encore plus coupées des institutions, associations, etc., qui peuvent les aider à sortir des réseaux d'esclavage. Et pour des personnes qui sont pour l'instant relativement indépendantes, les lois répressives vont faire que favoriser les réseaux qui vont leur proposer des listes de clients, des lieux pour travailler, etc. Et ces lois font le jeu des réseaux. Parce que de toute façon, on a besoin de certaines choses pour travailler. Un endroit où contacter nos clients, un endroit où exercer. Si légalement, on n'a pas le droit d'avoir accès à ces services, on le fait en recourant à des réseaux mafieux. On a besoin d'un endroit où travailler, on a besoin de se mettre en contact avec des clients. Si ces deux services sont illégaux, qui c'est qu'il fait ? Des personnes qui en profitent, qui s'infiltrent dans les mailles et qui, comme c'est illégal et qu'on n'a pas d'autre choix, peuvent se permettre de nous demander des sommes folles. Les mafias. Et donc, c'est les mafias. Oui, et d'ailleurs, c'est extrêmement juste. Et on voit que d'ailleurs, il y a un arsenal pénal répressif contre proxénétisme hyper lourd, c'est-à-dire les sanctions pénales sont très lourdes, la procédure pénale est exceptionnelle pour tout ce qui est proxénétisme, mais en fait, des poursuites réellement et démantèlement de réseau, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, ça demanderait beaucoup de travail, ça pourrait mettre en danger les agents de police qui mèneraient ces procédures, enfin ces enquêtes. En fait, c'est pas ça. Et l'avantage du lorsqu'il a été créé le délit de racolage, et le fait qu'il ait passé de contravention à délit, ça permettait de mettre en garde à vue des travailleuses du sexe, et ensuite les étrangères, et ça permettait de les mettre, de les placer en centre de rétention. Voilà, c'était ça. Et puis comme ça, on a une enquête qui est bouclée, on a un nombre de gardes à vue qui augmente, donc de personnes gardes à vue qui augmentent, donc c'est bien, les chiffres sont bons, et puis surtout on a des enquêtes qui sont résolues. Bah oui, ça y est, là, l'infraction est constituée. C'est beaucoup plus facile d'avoir une infraction racolage constituée que d'aller chercher et démanteler des réseaux de proxénétisme. Donc, c'est pas vrai que la réalité, on ne cherche pas à protéger les travailleuses du sexe par ces lois. C'est faux. C'est vraiment pas du tout le but de ces lois. Et j'avais juste aussi une interrogation pour en revenir à cette question de la sexualité y avait l'idée avant que la sexualité ça pouvait être que dans un but de reproduction. Alors ensuite la sexualité devait toujours être associée à l'amour, et là on est à l'étape où ça doit toujours être associé au plaisir, et il peut pas y avoir une sexualité pour d'autres raisons, alors qu'en réalité je pense que si les personnes sont honnêtes, se posent la question, on n'a pas toujours une sexualité dans un pur but de jouissance ou pur but d'amour, etc. Et c'est ces normes-là qu'on cherche à imposer, que les féministes doivent aussi déconstruire et lutter contre cette manière de voir où il doit y avoir un but assigné à cet acte de sexualité, toujours le même, et qui a évolué effectivement au cours du temps, en reproduction, amour, et pour finir, jouissance. Mais non, c'est bien, tant mieux si... Enfin, je veux dire, c'est pas pour dire que je pense que c'est pas bien quand l'acte sexuel aboutit à la jouissance, bien au contraire. Mais dire que ça ne peut être que le seul but, il ne peut pas y en avoir d'autres, et donc stigmatiser les personnes qui souhaitent avoir des ces relations-là pour d'autres raisons... c'est anormal et en plus c'est hypocrite parce que y compris ces personnes-là, je pense que c'est quand même rare une femme qui n'a jamais fait l'amour que pour cette simple question de, enfin cette question importante mais de la jouissance, c'est pas forcément le seul. Mais enfin, il me semble qu'il y a eu un glissement en plus justement parce que à la base le mouvement féministe institutionnel. Donc, enfin, justement, évoquait, disait de toute façon, comment dire, les rapports sexuels, ça peut être fait que de manière consentante, etc. Bon, je pense qu'on est toutes d'accord. Voilà. Et à partir du moment où des putes ont commencé à dire, mais juste, on est consentante, quoi. Enfin, c'est contractuel, c'est un arrangement, c'est une prestation tarifée, enfin, je sais pas comment on peut dire, c'est une prestation sexuelle tarifée, mais. En l'occurrence, voilà, j'ai un client, personne ne me force, etc. Il y a eu un glissement qui s'est opéré, genre, oui, mais il n'y a pas de plaisir. Et de désir. Et de désir, voilà. Donc déjà, bon, qu'est-ce qu'elles en savent, hein, c'est... Mais il y a eu vraiment un... Et il y a cette idée aussi qu'à chaque fois, du coup, on réduit la sexualité des travailleuses du sexe à leur seule sexualité mise à profit dans le cadre du travail. Et c'est genre, du coup, on réduit la sexualité à un acte marchand, etc. Non, enfin, on n'a pas tous une seule sexualité. Souvent, on a une sexualité privée. Et on a un sexe, on peut en faire plein de choses, on peut en faire des trucs pour le plaisir, pour l'amour, pour faire des enfants, pour plein de trucs, c'est super chouette. Et puis aussi pour se faire du fric avec. Et il y a des personnes qui ont des idées de faire du fric en fournissant des services pour lesquels elles se servent notamment de leur sexe. Mais ça ne réduit pas pour autant notre sexualité à cet aspect-là. Et c'est juste, on a décidé en effet de mettre à profit cette partie-là de notre corps également. Mais apparemment c'est interdit ou en tout cas très très mal et très très destructeur et on va en mourir, c'est jugé comme mal quoi, c'est sur ça. On va conclure. Ouais. Hein. Donc, en tous les cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis et de nous avoir parlé, discuté. On aura peut-être l'occasion de se rencontrer à nouveau. Peut-être que vous pouvez donner des... Donc, il y a... demain, il y a le colloque, mais l'émission n'étant que lundi, on ne peut pas les inviter. Être attentif à la manif qui aura lieu au mois de novembre, donc. Ouais. La manif, a priori, peut-être le 25, on ne sait pas, mais bon, les gens trouveront s'ils ont envie de se joindre pour se mobiliser. Mmh. Puis sinon, donc, de contacter donc, le SRAS. Mmh. 17 décembre. Ouais, le 17 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Donc à chaque fois, on organise en général, on essaie d'organiser une manifestation ou au moins des événements autour de cette date. En principe, on relaye les actualités sur notre site. Hein. On ne le met pas forcément à jour tous les jours. Et 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Voilà, donc du coup, on aura peut-être l'occasion de le rappeler au mois de novembre, toutes ces informations. Comme ça, on rappellera aux gens qui vous ont écouté, qui peuvent éventuellement vous rencontrer, continuer à se mobiliser, à réfléchir, peut-être un peu se questionner justement sur ces... qu'est-ce que c'est, non pas tant que le sexe, mais du coup, avec d'autres entrées, de qu'est-ce que ça veut dire et comment on traite, entre guillemets, justement, ces sujets. Et avec... justement, toutes les difficultés à passer, peut-être les tabous, tout simplement, la question de la morale, où on n'en est pas sorti dans nos sociétés qui, pourtant, ont l'air de se libérer au fur et à mesure, mais il y a encore beaucoup de taf. Donc, merci beaucoup à vous pour vos actions, votre engagement, et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. 106.3, la jungle des luttes, FPP. Bon, alors on est pour finir en fait. Il y a encore un peu le temps là, parce que je vous rappelle quand même, pour ceux qui sont intéressés, pour être solidaires, donc le 20 octobre, marche des trans et de celles et ceux qui les soutiennent. Donc c'est 14h, place de la Bastille. Ça se dirige vers Hôtel de Ville. Donc, il y a également à garder dans un petit coin de sa tête le 25 novembre, donc, puisque le 25 novembre, c'est une journée dédiée à la violence contre les femmes. Et on a bien compris que le collectif du 8 mars était tout à fait lié à la violence que certaines femmes en lutte ont connue au sein de cette manifestation. Donc l'idée, ce serait quand même de pouvoir quand même faire partie de cette manifestation, probablement. C'est en tous les cas ce qui était plus ou moins mis en avant dans les rencontres, également lors du colloque de vendredi dernier, donc le 12 octobre, sur la question des féministes contre la pénalisation des clients. La question, c'est pluriel, donc des féministes au pluriel. Donc la possibilité de différents groupes et collectifs de s'organiser selon leur mode, selon la façon qu'on peut être féministe et contre l'abolition de la prostitution. Il n'y a rien d'incohérent. Et c'est en tous les cas le message que nous, on a envie de faire passer, c'est-à-dire la possibilité de reconnaître le travail sexuel avec la possibilité de la dignité pour ces femmes et ces hommes. Et donc, voilà, on espère que vous serez solidaires. Donc, le 20 octobre à Bastille à 14h, le 25 novembre, d'ici là, on aura le temps d'en reparler. Pour ceux qui s'intéressent au CSPCL, où on est plutôt sur une actualité zapatiste au quotidien, tous les mercredis à 20h30, 33 rue des Vignoles, dans les locaux de la CNT. Donc, c'est une assemblée ouverte. Vous pouvez venir nous rejoindre, discuter de la question des apatistes ou du Mexique, apporter des informations ou faire passer des messages s'il y a des luttes, puisque l'idée quand même du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, c'est quand même de créer des ponts et des liens entre des luttes qui sont toujours non pas pour le pouvoir, mais pour la lutte et la résistance en bas à gauche. Donc on espère donc vous trouver éventuellement à 20h30 le mercredi 33 rue des Vignoles. Sinon, lors des diverses activités, il y a un site cspcl.ouvaton.org. Et donc là, normalement, vous pouvez trouver un certain nombre d'informations, des lettres, des communiqués, des apatistes et des liens avec d'autres luttes. Par rapport à la question des prisonniers politiques, qui est aussi quelque chose d'important au Mexique et que nous, on aime pouvoir relayer. Aujourd'hui, on a créé un pont justement entre les Brigadas Callejeras, qui sont donc un groupe, un collectif de travailleurs sexuels organisés au Mexique. Et on est contente d'avoir pu rencontrer aujourd'hui notamment le Stras et puis d'autres personnes, d'autres collectifs de Acceptesté par exemple, avec lesquels on pourra peut-être échanger. Il y a eu déjà un document qui a été diffusé au Mexique, qu'on a transmis ici à ce collectif. Donc l'idée, c'est un petit peu aussi de faire passer les analyses que les uns ont d'un côté et celles de l'autre, et donc de faire passer des messages et de donner aussi peut-être des idées pour que la lutte avance et donc de façon plurielle et tous ensemble, qu'on essaye d'être solidaires des uns et des autres avec chacun son mode. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain, troisième lundi du mois. Pour ceux qui ne nous ont pas écoutés aujourd'hui ou qui veulent nous réécouter, il y a de toute façon la possibilité de nous écouter le jeudi matin. Donc voilà, musique et après on laisse le micro prochain. Fırtınalar sarsıyor göğü, kara bulutlar körreder gözleri. Ölüm ve acı beklese de bizleri, onları yemek için yürümeliyiz be. En değerli varlığımız özgürlük, cesaret ve inançla savunmalıyız. Hajdi barrikada, hajdi barrikada, ekmek adalet ve özgürlük için. Hajdi barrikada, hajdi barrikada, ekmek adalet ve özgürlük için. Kardeşlerimizle, kardeşlerimizle, tüm dünyada büyüyor direniş. Haydi barrikada, haydi barrikada, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barrikada, haydi barrikada, ekmek, adalet ve özgürlük için. Kardeşlerimizle tüm dünyada büyüyor direniş. Haydi barrikada, haydi barrikada, ekmek, adalet ve özgürlük için.